Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a dirigé sur place des affaires de divers secteurs de l'arrondissement de Samjiyon. Il a été accompagné de Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, et vice-président du comité central du parti, et de Kim Yong-soo, chef de département du comité central du parti. Il a tout d'abord rendu hommage avec sa suite devant la statue en bronze du général Kim Jong-il, érigée respectueusement dans l'arrondissement. Regardant longtemps la statue, il appréciait excellente l'image du soleil de notre général qui conduit la voie à suivre de la cause révolutionnaire du Tse, en dominant avec un large sourire le territoire de trois mairies, debout majestueusement dans la forêt du Bektou, et souligner que le général porte l'habit ouaté de campagne et les lunettes, ce qui est l'image qu'un homme militaire et civil voyait toujours. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré « La statue de notre général est mise sur pied respectueusement dans l'arrondissement de Samjiyon par la brûlante foi et la volonté, l'aspiration unanime et la fidélité aussi pure qu'une perle de tous les militaires et civils du pays, notamment la province de Yangon, déterminés à tenir toujours en haute estime le général et à continuer et à parachever de génération en génération la cause révolutionnaire du Tse entreprise au Bektou. Sa statue est construite pour la première fois dans l'arrondissement de notre pays. Grâce à la construction de la statue du général sur le sol de gloire, empreinte de l'histoire de la résistance sans pareil du président Kim Il-sung et pays natal du général Kim Jong-il, étoile guide du Bektou, le lieu sacré du soleil, pilier spirituel de tous les militaires et civils, se distingue particulièrement. Tous les cadres, les militants du parti et autres travailleurs de l'arrondissement de Samjiyon doivent garder toujours à l'esprit la gloire d'avoir la statue du général et consacrer corps et âme à bien l'entretenir. S'arrêtant plus d'une fois pour voir et revoir la statue, le maréchal Kim Jong-un a dit d'un ton ému « Il neige. Il a neigé aussi quand nous avions fait nos adieux à notre général. Combien je serais content si notre général voit quel miracle est crié sur ce sol qu'il aimait comme le sien. Nous devons soutenir tous le général comme il était vivant et instaurer infailliblement un paradis du peuple puissant et prospère, une puissance socialiste sur ce sol, de comme le veut du général, sans jamais abandonner le drapeau rouge de la révolution que notre général a porté haut toute sa vie, quelles que soient les vicissitudes et quoi que le monde change. » Le maréchal Kim Jong-un s'est rendu à la maison de la culture de l'arrondissement de Samjiyon. Il s'est montré satisfait du fait que les bâtisseurs de la troupe de choc de construction 618 ont construit à merveille la maison de la culture, de sorte que des spectacles artistiques, réunions, vulgarisation des sciences techniques sur la nature et la société, etc., se livrent suffisamment. Assis sur un siège, il s'est informé en détail de la gestion en demandant si le cercle artistique de l'arrondissement travaille régulièrement, comment on projette des films et sous quelle forme on organise des expositions de photos. Informé du fait que la Maison de la Culture réunit une vie culturelle et esthétique suffisante aux habitants, il s'est montré content et a souligné que pour satisfaire des besoins culturels de la population de plus en plus croissants, il faut s'intéresser en profondeur à améliorer sans cesse la gestion de la Maison de la Culture, entretenir avec soin des équipements et bâtiments et à les réparer régulièrement. Le maréchal a déclaré que la Maison de la Culture de l'arrondissement de Samjiyon doit abriter largement des activités sociopolitiques et des activités culturelles et artistiques de masse pour qu'elles fassent un apport à armer parfaitement le peuple, les jeunes et enfants, des idées du Jutsé et de l'idée révolutionnaire de Sun Gun de notre parti, et à les transformer en hommes ayant des connaissances multilatérales et un haut niveau culturel, et promis que le parti enverra des installations nécessaires à la gestion de la Maison de la Culture. Le maréchal Kim Jong-un s'est rendu au palais des enfants de Samjiyon. Regardant les portraits souriants du président et du général sur la façade du palais, il appréciait que les portraits sont exposés respectueusement, de sorte que les membres de cercle du palais voient toujours les images en sourire du président et du général qui ont aimé tant les enfants toute leur vie. Il a ensuite fait le tour de la salle d'éducation aux affaires révolutionnaires et de la salle d'historique. Il affirmait que des données historiques montrant le noble amour du président et du général pour les nouvelles générations sont le trésor précieux à transmettre à jamais de génération en génération et qu'il faut bien éduquer aux exploits de direction inoubliable des grands leaders, mais aussi former un plus grand nombre de surdoués pour réaliser le noble dessein de notre président et de notre général. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits du palais, comme les salles de cercle de mathématiques, de loto, du sport, de la rhétorique, des activités politiques de masse, de l'informatique, de la peinture et de la musique instrumentale nationale, ainsi que le théâtre. Regardant avec le large sourire des activités de cercle des enfants, il a estimé que les enfants sont habiles à la manœuvre du tracteur, qu'ils élaborent à leur gré des médias, qu'ils exécutent bien avec des instruments de musique et chantent de façon formidable, qu'ils ont la dextérité à dessiner et à traiter le ballon, avant de recommander de travailler avec zèle en épargnant du temps pour se faire la cheville ouvrière de la Corée socialiste. Il a continué. En dépit du grand froid du Bektou, les enfants font assouer leurs activités de cercle dans les salles chaudes. Les rires joyeux et chants des enfants du palais des enfants de Sangjiyeon représentent l'esprit de ma patrie socialiste en progression pour la victoire finale. Soutenir le noble dessein du président et du général qui n'ont rien épargné pour le compte des enfants, c'est notre devoir et notre mission. Il faut donc mieux aménager le palais des enfants de Sangjiyeon au niveau mondial. Sur ce, il accordait des bienfaits à transmettre à jamais et donnait des instructions précieuses de valeur de guide dans la gestion du palais. Dans toutes les salles de cercle qu'il s'arrêtait, les enfants de cercle lui accouraient en criant « Cher maréchal père, nous avons envie de vous voir !» Chaque fois, le maréchal leur a dit tendrement qu'il est venu lui aussi puisqu'il lui manque. Et il s'est fait photographier en souvenir avec eux. Disant que des enfants et personnels enseignants et administratifs qui n'ont pas pris la photo en seront très déçus, il a attendu, bien qu'il soit pressé, jusqu'à ce que tous les cadres, personnels enseignants et administratifs et enfants de cercle se réunissent pour se faire photographier en souvenir avec eux. Le maréchal Kim Jong-un s'est rendu au camp de pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires de Sangjiyeon. Il s'est tout d'abord arrêté dans la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et la salle d'historique. Il a indiqué, à travers des données historiques exposées, on peut bien savoir combien le président et le général se sont intéressés en profondeur aux affaires pour armer parfaitement tous les cadres, militants du parti et autres travailleurs, des traditions révolutionnaires de notre parti. Il faut intensifier l'éducation à travers la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et la salle d'historique à l'égard du personnel du camp et des pèlerins. Le maréchal a fait le tour de divers endroits comme les pavillons pour étudiants et enfants pour s'enquérir en détail du réaménagement et de la gestion. Promenant ses regards sur le camp de pèlerins réaménagé à merveille qui se marie avec le paysage naturel de la forêt vierge du Bektou et des particularités topographiques, il a dit que le camp a changé d'aspect pendant 3 ans, que l'extérieur en bois des murs de bâtiments se conforme bien au paysage naturel du mont Bektou et que des salles et cantines du camp aussi sont bien aménagées. Il a souligné le parti privilégie le travail pour consolider les assises matérielles et techniques des camps de pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires dans tout le pays, tels que le camp de Sangjiyeon. C'est pour continuer sans cesse l'éducation visant à armer parfaitement tous les militants du parti, travailleurs et la nouvelle génération, des traditions révolutionnaires de notre parti, et pour les former comme révolutionnaires authentiques, se sacrifiant pour le parachèvement de la cause révolutionnaire du Tse. Les cadres et le personnel du camp de pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires de Sangjiyeon doivent remplir leurs devoirs pour faire un apport au fait que les pèlerins gardent à l'esprit l'histoire de la résistance sans pareil du président et l'esprit révolutionnaire du Bektou, pierre angulaire de notre parti. Ce disant, le maréchal a promis que le parti enverra lui-même des moyens nécessaires à l'éducation des pèlerins. Le maréchal Kim Jong-un assister aux exercices des skieurs du club sportif Sazabon. Il appelait les joueurs avant les exercices pour leur demander depuis quand ils ont appris à skier et si les combinaisons de ski et les appareils sont bons, et apprécier les joueurs qui se classent toujours premiers aux épreuves nationales avant de les encourager de ne jamais céder la première place en tant que skieurs s'entraînant en buvant de l'eau et respirant de l'air du mont Bektou. Regardant les joueurs qui exécutent des mouvements techniques de haut niveau en descendant à toute vitesse avec courage sur la pente à vitesse rapide, il les a appréciés extraordinaires à tel point qu'ils se sont rafraîchis avec un large sourire. Le maréchal Kim Jong-un a dit que c'est bon d'encourager le jeu du ski des jeunes et enfants dans des zones où il neige beaucoup, comme la province du Yangon, et que le ski est bon aux entraînements physiques et très bon pour cultiver l'audace et le courage des jeunes et enfants. Il a dit à sa suite qu'en faisant le tour de l'arrondissement de Samdi-yeon, il s'est raffermé dans sa détermination de mieux aménager l'arrondissement de Samdi-yeon, pays natal du général, comme lieu sacré de la révolution et présenter des tâches de valeur de programme pour faire de l'arrondissement de Samdi-yeon un grand musée à ciel ouvert de l'éducation aux traditions révolutionnaires, un exemplaire de la culture de pommes de terre et un standard dans la mécanisation générale de l'économie rurale, avant de préciser un à un des moyens nécessaires. Il faut mieux aménager le district du chef-lieu de l'arrondissement comme point d'appui de l'éducation aux traditions révolutionnaires, conserver et entretenir avec respect, sur le principe d'historicité, les anciens théâtres de combat révolutionnaires et les hauts lieux révolutionnaires du district du Mombektu, empreints de l'histoire révolutionnaire et des exploits de lutte du président et du général. Hausser le niveau de modernisation et de scientifisation de la conservation éternelle des objets d'intérêt historique et révolutionnaire, afin de prendre des mesures parfaites pour protéger à tout prix les trésors éternels de notre révolution. Il faut construire au chef-lieu de Samdi-yeon un plus grand nombre d'auberges, établissements de commerce, installations de jeux et culturels, hôtels et logements, de sorte qu'il exhale du parfum propre à la région alpine pour faire du district du chef-lieu un modèle des villes de montagne civilisées, achever les travaux de la voie ferrée large Hessan Samdi-yeon, paver, réaménager et réparer des routes de l'arrondissement conformément aux caractéristiques de la région de montagne et bâtir un aéroport et une gare moderne. Il faut accroître la superficie des champs de pommes de terre de l'arrondissement de Samdi-yeon, scientifiser et intensifier la culture de pommes de terre pour créer un exemplaire produisant des dizaines de milliers de tonnes par an, élargir la superficie des champs de cassis, construire une usine de transformation de la poudre de pommes de terre, une usine de transformation de légumes et une fabrique de l'eau minérale Pektusan, pour ainsi développer l'industrie locale et transformer cette localité comme le meilleur endroit à vivre dans notre pays. Il faut terminer à tout prix les travaux dans les 3 ou 4 ans. Il faut bien savoir l'intention du parti qui a organisé une nouvelle troupe de construction puissante chargée du réaménagement de l'arrondissement de Samdi-yeon, et créer une nouvelle vitesse de grande marche de l'époque Malima par l'esprit révolutionnaire du Bektu. Aménager irréprochablement l'arrondissement de Samdi-yeon, pays natal du général, et pays natal spirituel de notre peuple. C'est notre obligation morale digne et devoir révolutionnaire, soldats et disciples du général. Finalement, le maréchal Kim Jong-un a invité ardemment à estimer la noble obligation morale envers le général plus précieuse que la vie, et engagé dans le travail sacré pour distinguer l'arrondissement de Samdi-yeon, où se trouve la maison natale de la Révolution, comme arrondissement modèle, standard et exemplaire qui ne laisse rien à désirer.